Maintenant, je comprends mieux pourquoi nous sommes pressés face à la vie. La galère, donner son avis, avoir les pieds sur terre pour un meilleur lendemain. Pourtant, j'étais pas celui qui se pressait à la sonnerie. Dans mon cartable, un cahier 192 pages conçu pour durer, exprimer mes idées sur le monde. Le monde, la vie fait nous des ouvriers. Et quand tu vois le mérite de ces hommes qui travaillent jour et nuit pour gagner le SMIC, se faire taxer par l'État, impôts, taxes, droits de succession. Mais jusqu'où ira l'État quand l'homme hissera le drapeau blanc? Trop tard il sera. Je vieillis sans savoir ce que sera demain. Que ma vie ne soit pas toujours le même refrain. Les années ont passé, l'enfance est loin de moi. Toujours me dépasser et faire entendre ma voix. Retour en arrière dès le plus jeune âge, en rentrant d'école, c'était Nutella, télé, devoir et pendant les vacances, la Sicile. Au quotidien, pas de soucis, le matin, déjeuner, se laver, dessin animé pour assurer son éveil. La matinée passe, tu te demandes pourquoi. Lui a un grand-père, une grand-mère, un père au quotidien qui viennent les chercher à la sortie des classes. On t'explique qu'ils sont au ciel ou séparés. Avec le temps, on grandit, arrivent les premières booms, l'entrée en sixième, la première cigarette au bec. Alors que dans la cour, certains se prennent pour les caïds et volent de leurs propres ailes. Je vieillis sans savoir ce que sera demain. Que ma vie ne soit pas toujours le même refrain. Les années ont passé, l'enfance est loin de moi. Toujours me dépasser et faire entendre ma voix. Un peu plus préoccupé en quatrième, la voix qui mue le diplôme qui se prépare pour la troisième. On rêve de décrocher la lune, montrer de quoi on est capable afin d'accéder aux études supérieures. Avoir un booster et en mettre plein la vue au fils à papa. Les problèmes d'argent arrivent, avant c'était des mobiles, Lego, dessins animés. Maintenant c'est carburant, jeux vidéo, football entre potes. Avec le temps on atteint vite la majorité. On se rappelle des heures de colle et le temps passé sur les bancs scolaires. Les meilleurs souvenirs de notre enfance, le week-end, les matchs de foot partis en freestyle, dû aux soirées bien arrosées. Je vieillis sans savoir ce que sera demain. Que ma vie ne soit pas toujours le même refrain. Les années ont passé, l'enfance est loin de moi. Toujours me dépasser et faire entendre ma voix. Et radio, on garde la foi loin des flashs. Même si parfois faut retourner à la fac, écrire des textes pendant les cours ou partiels, afin d'avancer dans l'écriture, faire un carton à la Fnac, bosser jusqu'à des 2h du mat, les yeux rouges de fatigue. Dans l'ombre, je progresse afin de panir les traites à double face. Dans le RAP, c'est la criche, je fais de la résistance. La boussole dans la poche, perds pas le nord, mais représente le nord, représente le nord. Ici, les issues sont rares, les portes se verrouillent. Pas de scoop, le RAP se cantonne de Paris à Marseille. Aujourd'hui, je connais le jeu, que mon son s'étend dans tes baffes pour faire des envieux. Je vieillis sans savoir ce que sera demain.